Enfin, quand la petite eut 20 ans, en 1834, croyant l'avoir attachée à moi pour toujours, et devenue très faible avec elle, je voulus lui donner quelques distractions. Je lui laissai voir une jolie petite actrice, Jenny Cadine, dont la destinée avait quelque similitude avec la sienne. Cette actrice devait aussi tout à un protecteur qui l'avait élevée à la brochette. Ce protecteur était le baron Hulot. « Je le sais, monsieur, » dit la baronne d'une voix calme et sans la moindre altération. « Ah bah !» s'écria Crevel, de plus en plus ébahi. « Bien, mais savez-vous que votre monstre d'homme a protégé Jenny Cadine à l'âge de 13 ans ?»« Eh bien, monsieur, après !» dit la baronne. « Comme Jenny Cadine, » reprit l'ancien négociant, « en avait 20, ainsi que Josepha. Lorsqu'elles se sont connues, le baron Hulot jouait le rôle de Louis XV vis-à-vis de Mademoiselle de Romans, dès 1826, et vous aviez alors 12 ans de moins. Monsieur, j'ai eu des raisons pour laisser à monsieur Hulot sa liberté. Ce mensonge-là, madame, suffira sans doute à effacer tous les péchés que vous avez commis, et vous ouvrira la porte du paradis, répliqua Crevel d'un air fin qui fit rougir la baronne. « Dites cela, femme sublime et adorée, à d'autres, mais pas au père Crevel, qui, sachez-le bien, a trop souvent banqueté dans des parties carrées avec votre scélérat de mari pour ne pas savoir tout ce que vous valez. Il s'adressait parfois des reproches entre deux vins en me détaillant vos perfections. Oh, je vous connais bien, vous êtes un ange. Entre une jeune fille de 20 ans et vous, un libertin hésiterait. « Moi, je n'hésite pas. »« Monsieur !»« Bien, je m'arrête. Mais apprenez, sainte et digne femme, que les maris, une fois gris, racontent bien des choses de leurs épouses chez leurs maîtresses qui en rient comme des crevés. » Des larmes de pudeur qui roulèrent entre les beaux cils de Madame Hulot arrêtèrent net le garde national et il en pensa plus à se remettre en position.